Question concernant la suppression des dirigeants apostats. Abu Hamza al-Misri. Question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh Abu Hamza. Cheikh, il y a des frères qui voulaient vous poser une question en ce qui concerne la suppression des dirigeants apostats. Ils demandent qu'il est connu que nous devons éliminer, supprimer ces murtaddin, ces apostats, du fait qu'ils n'exécutent pas la charia dans nos pays. Cependant, certaines marionnettes de ces organisations corrompues, telles que Salafi Publication, disent que c'est haram pour nous de les combattre parce que même l'imam Ahmed, rahimahullah, n'a pas combattu les dirigeants de son temps quand il commettait du grand kofr en disant que le Coran était créé. Et il a été torturé par le gouvernement de son époque, mais il ne les a jamais combattus. Donc, Cheikh, la question est, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous éclairer sur ce point confus et quelle doit être notre position envers cet argument? Barakallahu fikum et qu'Allah vous donne la victoire. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, votre frère en islam. Réponse. Salam alaikum, mon frère. La réponse est très simple, inshallah. Si la sorte de bid'a de nos dirigeants était similaire aux dirigeants de l'imam Ahmed, rahimahullah, je serai le premier à exhorter les gens de ne pas les combattre. Parce que leur bid'a, innovation, avait des ta'wil, interprétation du Coran lui-même. Bien que cet argument utilisé était très faible, ils ont utilisé le verset, l'ayat, Allah est le créateur de chaque chose, pour prouver que le Coran était créé. Ajouté à cela, l'imam Ahmed, rahimahullah, prenait en considération leur application stricte de la charia, défendant et combattant pour l'honneur des musulmans universels, et le fait que leur bid'a, dilemme, n'affecte pas les lois de la charia, et puisse seulement être résolu et exposé par les preuves et les débats. Aussi, beaucoup de gens, malgré eux, ont vu leur bid'a, innovation, comme un signe de respect envers Allah et le Coran. Celui qui demandait quelle preuve du Coran ont nos dirigeants pour changer la charia, rendre les plus grandes questions haram, usure, disponibles et protégés par leurs lois forgées et leurs armes, tuant les musulmans en faveur des kofars, les aidant contre les musulmans et le reste de la liste du kofr. Certainement, les brillants étudiants de l'imam Ahmed rahimahullah ont comparé et analysé la situation de leurs imams avec ses dirigeants et leur situation sous les dirigeants qui changent même une partie de la charia. Le verdict était de combattre leurs mauvais dirigeants jusqu'à la mort ou jusqu'à rétablir l'islam et les lois de la charia. Un des plus intelligents et militants parmi les partisans de l'imam Ahmed rahimahullah était Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il a émis une fatwa contre ces mauvais dirigeants et leurs mauvais savants. De plus, il a lui-même mis en pratique sa fatwa quand les Mongols ont prononcé la shahada et se sont entourés de savants, mais ont appliqué des lois mélangées pour le pays. Le Shir les a combattus, provoqués, et a même dit, si vous me voyez parmi eux, tuez-moi, même avec le Coran sur ma tête. Cependant, même si ces grands savants n'ont pas combattu, pour une raison ou une autre, que devons-nous faire avec toutes ces grandes ayat, ces versets dans le Coran, exhortant les musulmans à combattre jusqu'à ce que toute la religion, la prédominance de la charia, soit pour Allah. Oseront-ils dire à Allah, nous avons suivi nos dirigeants et nous avons négligé tes ordres? Sûrement, ceux-là sont les perdants, en effet. Particulièrement ceux qui demandent à tout le monde leurs preuves. Mais quand elle leur vient, ils tournent le dos sur toutes les ayat, les versets clairs, disant sans honte qu'ils sont heureux de suivre un homme aveuglément et freinant le chemin d'Allah en faveur de leurs mauvais dirigeants et de leurs savants, qu'Allah les guide avant qu'il soit trop tard pour eux. Pendant ce temps, mon cher fils, ne gaspille pas ton temps avec eux. Ils n'ont pas de but à part celui que nous connaissons tous. Essaye d'augmenter ton savoir, ton ibada, tes adorations, ainsi que les efforts de la da'wa, de même qu'en enjoignant le bon et interdisant le mauvais. Coopérer avec les bons musulmans et sois patient dans la cause d'Allah. Ce qui suit sont deux fatwas de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, en ce qui concerne les mauvais dirigeants et leurs mauvais savants, que j'ai inclus dans mon livre La gouvernance d'Allah sur la terre. Lis-les, fais-les connaître autour de toi et demande aux musulmans sincères d'appliquer ce qu'ils peuvent de ces fatwas. Nous demandons ci-dessous une fatwa importante, verdict religieux, de Cheikh al-Islam Ahmed Ibn Taymiyyah, qu'Allah ait pitié de lui, qui était le mentor des juristes musulmans, non seulement de son temps, mais aussi pour ceux qui sont venus après. Dans Al-Fatawa Al-Misriya, volume 4, chapitre sur Al-Jihad, Il a dit, nous disons que n'importe quel groupe qui s'écarte des lois apparentes, indiscutables de l'islam, qui ont été données de génération aux générations de musulmans sans interruption, alors cela incombe de combattre contre un tel groupe en accordance au consensus des imams musulmans, bien qu'ils prononcent les deux témoignages. Donc s'ils prononcent les deux shahada, témoignages, mais s'abstiennent d'observer les cinq prières quotidiennes, ils doivent être combattus jusqu'à ce qu'ils fassent les prières. Et s'ils s'abstiennent de payer la zakat, cela incombe à tous les musulmans de les combattre jusqu'à ce qu'ils commencent à payer la zakat. De même, s'ils s'abstiennent de jeûner le mois de Ramadan, ou de faire le pèlerinage à la maison d'Allah, ou refusent d'interdire les abominations, ou l'adultère, ou les jeux de hasard, ou les boissons alcoolisées et d'autres choses interdites par la charia islamique, ou s'ils refusent d'appliquer les lois du Coran et de la Sunna se rapportant à la vie, la propriété, l'honneur, la direction des affaires et d'autres choses, ou s'ils s'abstiennent d'enjoindre le bon et de défendre le mal et de combattre les infidèles jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam ou payent la jizya, l'impôt en soumission. De la même manière, s'ils introduisent des innovations dans la religion contraires aux enseignements du Coran et de la Sunna et à la pratique des pieux prédécesseurs, ainsi que des imams vertueux de la communauté, blasphémant les noms, les signes ou attributs d'Allah, ou rejetant les ordres divins, ou le décret, ou rejetant les manières avec lesquelles la communauté musulmane s'est comportée au temps des califes bien guidés, ou diffamant les premiers parmi les émirés, les muhajirines et les supporters, Ansar, et ceux qui les ont suivis fidèlement dans leurs pas. Ou s'ils combattent les musulmans, les forçant à se soumettre à eux, abandonnant la charia islamique et tous les autres cas similaires. Concernant ce qu'Allah a dit, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de persécution et jusqu'à ce que toute la religion soit Allah seul. Sourate Al-Anfal, verset 39. Fin de citation du Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Ainsi, dans de tels cas, quand la religion est une partie pour Allah et une partie pour les autres, cela incombe aux musulmans de combattre jusqu'à ce que toute la religion soit à Allah seule.